Monsieur Adrien Bocquet, de nouvelles informations venant du Kremlin, mais une interrogation également. Pouvons-nous aller, Monsieur Adrien Bocquet, dans le même sens que c'est un géopoliticien qui pense que cette attaque, ou alors qui voit en cette attaque, un facteur déclencheur d'une autre forme de guerre entre la Russie et l'OTAN? Bien sûr. Ce qui vient d'être dit est très juste et très intelligent, notamment la comparaison avec la Maison Blanche. Comment auraient réagi les États-Unis si un drone étranger avait explosé au-dessus de la Maison Blanche? Ça, c'est sûr que c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Comment auraient réagi les Américains et de quel ordre? Je vous rappelle quand même que là, nous sommes à plus de 48 heures, à plus de deux jours de cette attaque, et que le Kremlin n'a toujours pas réagi. Contrairement à ce que peut stipuler l'Occident ou l'Ukraine, comme quoi c'est un coup monté pour permettre à la Russie tout simplement de réagir militairement ou quoi que ce soit dans ce sens, ben, nous pouvons voir que 48 heures après une telle attaque, aucune réaction. Cela peut prouver l'exactitude des faits qui sont relatés donc par Moscou. Si cela était le cas de ce qu'avancent donc l'Occident et l'Ukraine, nous n'aurions eu logiquement donc une réaction massive et peut-être meurtrière de la part de la Russie, ce qui n'est absolument pas le cas. Après, comme vous le savez, les Russes sont plutôt, on va dire, long, mais sûrement, contrairement aux Américains qui, eux, vont réagir automatiquement et immédiatement. Ce sont vraiment deux entités complètement différentes. Vous avez les Américains qui vont réagir dans l'instantané et les Russes qui vont réagir plutôt dans la profondeur, dans le réfléchi et dans la longueur. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que l'armée russe se comporte, et notamment pour l'armée russe. Donc j'ai une information, c'est pour ça que j'ai demandé à reprendre ma parole. Aujourd'hui, vous avez donc Monsieur Prigojine qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. Donc je veux surtout alerter les téléspectateurs et les rassurer. Monsieur Prigojine aujourd'hui a annoncé officiellement que Wagner se retirait de la ville de Bakhmout dans son intégralité. Je veux tout de suite rassurer les téléspectateurs, ce n'est pas parce que Wagner se retire de Bakhmout que Bakhmout va être redonné aux Ukrainiens. Je rappelle que Bakhmout est contrôlé à plus de 80% depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, voire pratiquement 15 jours. En fait, Wagner se retire pour des raisons propres à Wagner, c'est-à-dire au niveau effectif, au niveau de l'armement, etc. Ils ont un besoin aussi, si vous voulez, de se renouveler, etc. Donc tout simplement, Wagner va passer la main à l'armée russe officiellement au niveau des positions qui sont maintenues au niveau de Bakhmout. Je le rappelle aux téléspectateurs, actuellement, Soledar et Bakhmout sont dirigés entièrement, on va dire à 90%, par Wagner, pour préciser. Donc, en fait, il y a une passerelle, c'est-à-dire que M. Prigojine vient d'annoncer officiellement son retrait au niveau de Bakhmout. Donc, par la force des choses et automatiquement, cette passerelle va être faite à l'armée russe. Donc, l'armée russe va reprendre donc les positions et le commandement donc militaire de Bakhmout. Donc voilà l'information aujourd'hui. Je voulais réagir parce que beaucoup de téléspectateurs m'ont écrit aujourd'hui concernant cette annonce. Ils ont eu très peur, ils ne comprenaient pas. Ils se disent mais pourquoi avoir fait la guerre et avoir pris 80% de Bakhmout pour d'un seul coup se retirer et rendre tout cela à l'Ukraine? Je rassure nos téléspectateurs, ce n'est pas le cas. Wagner se retire, mais l'armée russe, donc officiellement, récupère donc le commandement de Bakhmout militairement. Je voulais bien le préciser parce que malheureusement, ça n'a pas été très bien précisé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au niveau tout simplement des médias. Donc moi, je vous le précise, quand Wagner se retire, l'armée russe prend le relais directement. De ce fait, nous devrions d'ailleurs voir des images de Bakhmout du coup plus facilement, parce que vous savez que quand Wagner donc prend et intervient dans une zone, les médias sont pratiquement interdits à 100%. C'est comme ça que marche Wagner. On ne va pas épiloguer sur leur façon. Ce sont des militaires indépendants. Ils font de leur manière comme ils peuvent. Donc maintenant, le fait que l'armée russe reprend le commandement et les zones donc militairement au niveau de Wagner, ça permettra donc aux médias et même aux médias indépendants occidentaux normalement de pouvoir donc rentrer dans Wagner du côté russe et de pouvoir avoir ces images. Voilà, je termine sur ça, mais en tout cas, chers téléspectateurs, rassurez-vous, ce n'est pas parce que Wagner se retire de Bakhmout que Bakhmout est rendu du jour au lendemain aux Ukrainiens. Voilà, merci à tous. Décision, monsieur Adrien Bouquet. Afrique Média, le monde, c'est nous.